L'association d'amitié France-Corée a condamné le 14 courant dans son homepage d'Internet la décision des États-Unis et des autorités sud-coréennes prise sur la disposition de SAD sous prétexte de la menace nucléaire et de missiles de la République populaire démocratique de Corée. Par ailleurs, le comité Suisse-Corée et le cercle suisse d'études des aides du Juche ont publié le 12 juillet une déclaration commune contre les États-Unis qui amène le danger d'une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne.